réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce mercredi 6 avril, votre réveil culturel, avec au programme une histoire des intellectuels français, ou du moins une tentative d'écrire l'histoire des intellectuels français avec Shlomo Sand qui est avec nous depuis lundi. Dans un instant, le 3e épisode. Et puis en deuxième partie, nous parlerons d'un réalisateur français, Julien Duvivier. Certains de ses films ressortent en copie restaurée au cinéma. Je serai avec le spécialiste Eric Bonnefille qui a vu tous les films de Duvivier, qui lui a consacré une étude, un livre. Il sera là pour nous parler justement de La Belle Équipe, de Voici le temps des assassins et de La fin du jour qui sortent à partir d'aujourd'hui à Paris. Mais pour commencer, tête chercheuse. Les intellectuels français, une histoire à écrire par l'historien israélien Shlomo Sand, notre invité cette semaine. Il est l'auteur d'un ouvrage, d'un essai passionnant, édité par La Découverte, La fin de l'intellectuel français, avec un point d'interrogation, toujours, de Zola à Houellebecq. Et là, 3e épisode, on va parler des intellectuels engagés. Engagés parce que le XXe siècle va être marqué par deux guerres. Donc, comme je dis hier, ils sont engagés dans la Première Guerre mondiale, mais vers la fin de la Guerre mondiale apparaissent des nouveaux gens intellectuels qui s'opposent à la Première Guerre mondiale, et ils vont mettre les bases de certaines gauches communistes, socialistes, etc. Donc, à la fin, pas seulement Henri Barbusse, nous avons cette apparition, par exemple, des socialistes qui sont engagés. Ce n'est pas seulement le rêve qui les intéresse, mais aussi la réalité. Et ces surréalistes, si vous voulez, on peut le dire qu'ils sont les premiers intellectuels vraiment engagés entre les deux guerres. Et vous savez que j'étudiais les livres, par exemple, une de ceux qui j'étudiais les livres est André Breton. Et c'est un intellectuel engagé qui, en 1925, il sort avec des pétitions contre la guerre des Rifs. La guerre des Rifs, c'est la guerre au Maroc, qui est une part de ce colonialisme à la fois français et espagnol. Et voilà le premier engagement de ces gens intellectuels qui sortent très blessés mentalement de la Première Guerre mondiale. Les années 30 vont être beaucoup plus un théâtre d'intellectuels engagés, parce que à partir de 34, et l'Europe entre dans une certaine dynamique des confrontements entre gauche et droite, comme un parti de droite est fascisant, fasciste, et pro-nazi, etc. Paul Nizan, par exemple, c'est un intellectuel organique qui entre dans le parti communiste. Il est écrivain, il est brillant comme écrivain. Et c'est ami de Jeunesse, de Jean-Paul Sartre, qui n'est pas encore engagé. Mais sauf Breton, dont dans l'année 20, on voit plus en plus d'intellectuels qui s'engagent dans les batailles publiques. Donc, il y a ceux qui entrent comme Aragon, Louis Aragon, par exemple. C'est un intellectuel organique des partis communistes aussi, avec Paul Éluard et beaucoup des autres. Mais aussi, il y a toujours cet intellectuel indépendant, comme Roger Martin-Degas, comme André Malraux, comme beaucoup des autres, qui s'engagent à côté de gauche pour lutter contre le fascisme. Je ne crois pas que le fascisme est sérieux en France, c'est-à-dire, et je ne crois pas que c'est une force vraiment qui menace la vie parlementaire française, mais il y a pas mal de gens intellectuels qui sont teintés avec cette vision fasciste, à la fois révolutionnaire et conservateur. Voilà, et c'est très intéressant dans votre ouvrage comment vous nous rappelez les positions des intellectuels français vis-à-vis du fascisme italien. C'est assez étonnant parce que la plupart d'entre eux, qu'on pourrait classer plutôt à gauche, humaniste, vont avoir un regard plutôt positif au début. Il y a des gens qui glissent justement de certaines positions de gauche. C'est parce que il faut ne pas oublier qu'en Union soviétique, se cristallise un stalinisme. Donc, ceux qui veulent savoir, savent. Et j'ai raconté des gens, et nous avons des gens qui deviennent pro-fascistes, fascisants, à cause des bureaucratisations de l'Union soviétique, à cause des mensonges qu'on commence à bâtir autour de l'Union soviétique. Et donc, réaction. Par réaction, on voit des fascisants, des fascistes. Par exemple, Valois, Georges Valois, qui est le fondateur de le premier parti fasciste français, il a des idées très intéressantes pour cette époque. D'ailleurs, il cesse d'être fasciste, comme il commence à comprendre que le régime en Italie fascisant est aussi un régime dictatorial. Mais les tentations fascistes touchent des écrivains très importants. Si Barrès était le symbole d'écrivains nationalistes de la fin du 19e siècle, nous avons l'année 30 un personnage, Drew La Rochelle, qui devient fasciste. Donc nous avons une série des intellectuels avec beaucoup de talent. Robert Brasillach, par exemple, qui est le premier. Vous avez mentionné les semaines de Duvivier, Julien Duvivier. Brasillach, c'est une des premières critiques intéressantes du cinéma. Mmh. Il n'y a pas beaucoup. Mmh. Et on peut même citer Lucien Rebattet. Hein. Oui, et Lucien Rebattet. Et il y a et pas mal des autres. Une partie sont fascisants, une autre partie sont fascistes. Et aussi, il y a des pro-nazis. Et c'est le cas pire des Brasillach et Rebattet. Donc, et il y a ceux qui sont anarchistes de droite à cette époque, comme Céline, par exemple. Que je ne dis pas qu'il est fasciste, il devient collaborateur, mais c'est un anarchiste de droite. C'est-à-dire cynique, et amer et contre tout le monde. Mmh. Et qui laisse les valeurs humanistes et universalistes, comme les fascistes et comme les pro-nazis, et il essaie de les remplacer avec une autre échelle de valeurs. Mais en face, il y a des groupements très très forts, des écrivains, plutôt de gauche, qui barrent la route de cette montée intellectuelle fascisante, et que la France, je crois, ne devient pas un fasciste. Il devient plus en plus antisémite, judophobe. 1938, je crois que c'est le sommet. Et d'ailleurs, en 1938, on republie Drummond, celui qui a disparu c'est avec la Première Guerre mondiale. Donc les années 30, c'est une fois de plus des années qu'on a du camp. D'ailleurs, il y a beaucoup plus conservateurs des actions françaises que des fascistes. C'est-à-dire Charles Maurras mène des groupes, des intellectuels très connus, des écrivains, etc., qui sont plutôt monarchistes, pas fascistes, mais avec des idées judophobes très très forts. Et il y avait toujours en France plus et judophobes que des fascistes. Ça, c'est une des conclusions de mon livre. Alors, mais est-ce que c'était un débat? Parce que en 1937, par exemple, lorsque René Vincent, il faut en parler, hein, c'est très important, parce que c'est dans la revue Combat, oui. Quand il fait une critique en règle du brûlot, on peut appeler ça un brûlot antisémite, de Céline Bagatelle pour un massacre, eh ben Lucien Rebattet lui réplique. Mais alors, avec un texte, vous le jugez d'ailleurs très bon, et c'est vrai qu'il est très bien écrit, mais il est vraiment alimenté par la haine, par l'animosité. Il écrit dans Je suis partout déjà, et il se pose carrément en défenseur enthousiaste de Céline et de la judéophobie célinienne. Et vous savez que, bon, premièrement, je ne cache pas que j'ai un goût politique très très clair. Je me considère comme un homme de gauche, c'est-à-dire avec certaines valeurs universalistes, etc. Mais j'essaie de traiter l'extrême droite d'une façon comment dire, assez équilibré, c'est-à-dire comprendre les nuances entre un homme comme Céline, qui devient, à mon avis, une judophobe terrible avec les bagatelles pour le massacre, et avec des autres fascistes qui ne sont pas judophobes. Il y a des fascistes qui ne sont pas. Donc, je ne veux pas faire de pêle-mêle, comme il y a une tendance chez chercheurs de gauche, regarder toute la droite comme un sac plein de comment dire, plein, mais sans nuance. Vous savez que, comme je repousse certaines analyses des historiens plutôt de droite qui analysent l'extrême gauche français d'une façon, comment dire, sans nuance, qui m'énerve beaucoup. C'est-à-dire mêlés, maoïstes, trotskistes, etc. Donc je ne mêle pas judophobes et fascistes. J'essayais d'être, si vous voulez, comment dire, le plus neutre possible sur le jugement des valeurs du passé. Sauf, évidemment, que dès que quelqu'un est judophobe, comme Céline, le deuxième parti des années 30, et je perds un peu cette neutralité et je juge ça sévèrement, à cause de la raison historique ensuite, si vous voulez savoir. Mais les chapitres que j'essaye de comprendre, les rapports des intellectuels avec le fascisme, si vous voulez, on m'a demandé déjà et pourquoi je suis tellement froide en face de cet événement. Parce que les gens que je n'ai, excepté pas que je suis contre le passé, mais m'énervent beaucoup moins que ceux qui, dans le présent, si vous voulez, expriment des idées qui, je crois, qui sont dangereuses pour notre avenir. Donc, ceux qui ont proposé des idées terribles dans l'année 30, j'essaie de les juger d'une façon beaucoup plus froide parce qu'ils sont déjà morts et il n'y a pas une menace de eux aujourd'hui. Oui, mais là, on peut se poser la question, à quoi servent les intellectuels si en 1938, la presse française et surtout des journaux très en vue et très populaires consacrent des numéros spéciaux au problème des juifs infiltrés dans la nation française qui menacent l'ordre établi, tout ça. Ça, c'est venu après l'affaire Dreyfus. Donc, à quoi a servi l'affaire Dreyfus? Les intellectuels qui se sont mobilisés autour du capitaine Dreyfus, si on arrive aux années 30 avec un débat aussi antisémite? Je me demande aussi. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est une question très importante, très grave. Et probablement, rien n'est fixe. C'est-à-dire que le fait que les Dreyfusins ont gagné, qu'ont modelé pendant 10, 20 ans, le paysage intellectuel français, ça ne veut dire pas que cette victoire est pour toujours. Donc, je crois que les intellectuels subissent les coups de la politique, les coups de la sociale, les coups des crises économiques, si vous voulez. Donc, rien n'est sûr. Le combat pour les valeurs de lumière, c'est un combat éternel. Et peut-être ça va terminer mal, je ne sais pas. Donc, l'année 30, si vous voulez. Et l'important est de savoir qu'il y a un engagement de André Gide et de André Malraux et plein des autres très très importants des écrivains de Saxet qui s'engagent et disent non, il faut continuer cette vision Dreyfusard et il faut barrer la route en face de ceux qui essayent de transformer la République française en République antisémite. Et je voulais insister, il y a des républicains antisémites. C'est-à-dire, il y a aussi, et ça c'est terrible à dire, il y a des Dreyfusards qui redeviennent antisémites dans l'année 30. Et par contre, il y a des Dreyfusards qui, à cause des choses qui se passent en Allemagne, et comme la motivation d'être Dreyfusard était nationaliste, cesse d'être antisémite. Parce que les Allemands sont tellement antisémites et nazis à cette époque. Donc, tout ça, c'est un enjeu très délicat. Et se termine bien et mal en France dans l'année 30. C'est le fait que les fascistes n'ont pas gagné, mais la déroute en 1940 et la montée de Vichy, qui des gens comme Drieu La Rochelle entrent par force et deviennent avec des autres amis, des intellectuels, des régimes de Vichy, si vous voulez. C'est terrible. Et la question que vous avez posée, oui, jamais une victoire des pensées universalistes n'est pas pour toujours, à cause des échecs et des projets, si vous voulez, des progrès, à cause des échecs de cette idée d'égalité, si vous voulez. Et face aux choses qui sont passées à cette époque de l'Union soviétique, il y a ceux qui redevient, entre guillemets, anti-Dreyfusard moderne. Shlomo Sand pour une tentative d'écrire une histoire des intellectuels français. On se retrouve demain pour le 4e épisode. À demain. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité ce matin est Éric Bonnefille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques dans la vie de tous les jours, mais ce n'est pas pour cela que je vous ai invité. Je vous ai invité parce que vous êtes un cinéphile, amateur des films de Julien Duvivier. Vous avez d'ailleurs écrit un livre consacré à la filmographie de Duvivier avant qu'il ne redevienne à la mode. Oui, oui, il a eu une période un petit peu de purgatoire pour les histoires du cinéma. Et il est maintenant redécouvert et reconnu comme un des cinéastes importants du cinéma français. Et la preuve, à partir d'aujourd'hui, il y a quelques films de Julien Duvivier qui ressortent en copie restaurée au cinéma. Trois d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 avril. Aujourd'hui, c'est La Belle Équipe qui ressort de 1936 et qui ressort avec sa fin originale. La semaine suivante, c'est La Fin du Jour de 1938. Et la semaine suivante, c'est Voici le temps des assassins de 1955. Avec la rencontre de Gérard Blin et de Jean Gabin. Alors, voilà. Que racontent ces trois films de Duvivier ? Ce sont des films où on retrouve à la fois la noirceur qu'il a caractérisée et qu'on a beaucoup associée à son image, mais aussi la tendresse qu'il a montrée envers ses personnages. On trouve ça dans La Fin du Jour en particulier, qui est célèbre pour être un film assez noir et monstrueux. Mais on a tendance à oublier que c'est aussi un film d'amour sur les comédiens et où il montre beaucoup de tendresse pour ses personnages. S'il fallait présenter Julien Duvivier. Alors, c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu assez modeste et traditionnaliste. Il est né à Lille. Sa famille ne l'a pas du tout amené à connaître le théâtre ou les spectacles. Donc, de lui-même, il s'est intéressé au théâtre. Et il a fait ensuite un petit peu de théâtre en 1915 à l'Odéon. Ça a été un début de carrière d'acteur qui n'a pas été réussi. Lui-même a dit qu'il n'était pas fait pour ça. Et il a commencé à être assistant de cinéaste à ce moment-là, donc à la fin de la Première Guerre mondiale. Et il a commencé à être metteur en scène lui-même en 1919. Donc il a eu une carrière muette assez importante. Il a fait une vingtaine de films muets. Et sa carrière ensuite s'est prolongée jusqu'en 1967, jusqu'à sa mort, sans quasiment aucune interruption. Les années 30, c'est la période durant laquelle il a été le plus reconnu, la deuxième moitié des années 30. Avec quel film, par exemple ? Alors, il y a eu des films très très populaires. En particulier, je pense à Un carnet de balles en 1937, qui avait été montré à la Biennale à Venise. Donc ça a été un grand succès critique et public. Et puis des films comme Pépé le Moko en 1936, qui est un des grands films du mythe Gabin, qui était aussi un film qui a été vraiment remarqué. Donc à la fin des années 30, il est considéré comme un des cinéastes importants du cinéma français. Et si tu sais pas quoi en faire, Marie, là ? Bonjour, Monsieur Châtelain. Bonjour. Je suis venu chercher mon vélo. Eh ben, je vois ça. Bon, ben, à bientôt. Comment à bientôt ? Ben, demain soir, comme d'habitude, quoi. Tu viens avec nous à la nuit. Si ça vous gêne pas ? Ah, bien sûr que si, ça me gêne. Couillon, n'oublie pas qu'on bouffe ici avant de partir. Bon, d'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Voici le temps des assassins, des films qui ressortent, alors qui datent de 1955. Donc, c'est un peu avant le début de la nouvelle vague au cinéma. Mais disons que les gens qui vont faire la nouvelle vague sont critiques à ce moment-là. Et ont des avis assez négatifs sur certains cinéastes de la génération de Duvivier. Mais quand on regarde l'accueil critique de Voici le temps des assassins, ça a été un accueil très varié et pas très tendre. Mais les critiques qui l'ont le plus aimé, ce sont les jeunes critiques, et en particulier François Truffaut, qui a fait une critique très élogieuse du film. Doniol Valcroze aussi, par exemple. Donc finalement, il n'a pas été aussi honni qu'on a pu le dire. Alors, ça a été plutôt dans les années suivantes, disons dans les années 60, où là, effectivement, la critique n'a pas été tendre, de la critique de tous bords. Il faut dire aussi que sa carrière à ce moment-là était un peu moins intéressante. Il avait quand même perdu un petit peu, je dirais, le talent qu'il caractérisait avant. Et là, en effet, il a fait partie de ce cinéma qu'on a considéré comme trop académique, poussiéreux et un peu trop de dialoguiste, voilà, qui ne correspondait plus aux ambitions de la Nouvelle Vague. Chut ! Rengaine ta rengaine et tais-toi mon cœur. Paris dort. Paris dort dans les bras de la Seine. Pour la 800 000e fois peut-être. Ah, ces deux-là. La Loire est pourtant bien jolie. Enfin, Paris dort. Et les Parisiens rêvent. De Belleville à Bagatelle, de la Butte aux Cailles à Passy, de la Nation à l'Opéra, etc., etc. Les Parisiens. Ils ne se doutent pas. Alors, c'est une carrière qui est très riche et très variée. Il a touché à beaucoup de thèmes, mais je pense qu'on peut pas dire que c'est seulement un faiseur, parce qu'il a quand même imprimé sa personnalité dans beaucoup de films, dans ses films les plus importants. Il y a ce regard souvent désenchanté sur les rapports humains, sur l'évolution des espoirs. Enfin, La Belle Équipe symbolise bien justement cet aspect-là. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui revient dans sa carrière, ce point de vue-là sur le monde, sur les histoires d'amour impossibles également. Enfin voilà, il y a ce pessimisme qui traverse son œuvre. Moi qui n'ai pas vu tous les films de Julien Duvivier, mais une bonne partie d'entre eux, ce que j'aime, c'est qu'il a peut-être été un des premiers à mettre l'anti-héros en tête d'affiche. Très souvent, ce sont des voyous, ce sont des marginaux qui décrochent le rôle principal, le rôle central d'un film et donc de son attention. Oui, et justement, enfin, un des thèmes qu'il a souvent développé, c'est ce genre de personnage qui doit affronter une hostilité, une foule, par exemple. Ça, c'est un thème qui revient souvent, des gens qui sont un petit peu en marge, qui sont déclassés. Bon, je pense à Panique, par exemple, son film d'après Simenon en 1946, où on a le personnage de Monsieur Hir, qui est effectivement un anti-héros et qu'on voit en but à l'hostilité générale. Mais c'est aussi des personnages comme le légionnaire de la Bandera, qui est joué par Jean Gabin, voilà, qui commet un crime et qui doit s'exclure de la société. Est-ce qu'il choisissait ses films, ses histoires, Julien Duvivier ou... Alors, pendant une certaine période, oui, dans les années 30, il avait clairement un certain pouvoir de choix de scénario. Ça a sans doute été moins le cas au fur et à mesure de sa carrière. Et disons que vers la fin de sa carrière, dans les années, fin des années 50 et 60, il a lancé des projets qui lui tenaient à cœur, mais qui n'ont pas abouti. Donc souvent, il a dû se rabattre sur des choses moins ambitieuses et qui étaient des propositions. Mais on peut dire quand même que pendant une partie de sa carrière, il avait un certain contrôle sur les films qu'il a pu faire. Éric Bonnefille, vous êtes l'auteur de Julien Duvivier, le mal-aimant du cinéma français. Pourquoi vous êtes intéressé à cet auteur ? Alors, c'est un cinéaste qui m'a toujours intéressé, enfin, au début, en ayant vu certains films qui étaient ces films classiques, je crois que c'est justement sa noirceur d'abord qui m'a frappé, il y a cette franchise dans la noirceur, c'est pas une noirceur fabriquée, j'ai envie de dire, que je trouvais assez originale, assez intéressante. Et puis, comme c'est un cinéaste qui pendant un certain temps, on le disait, a été un peu dans un purgatoire, il existait finalement peu de choses écrites sur lui. Donc il y a eu au départ une curiosité à en savoir plus sur cette carrière qui est si longue et si variée. Et puis voilà, on se prend au jeu en voyant les films à découvrir son œuvre et son univers. Trois films de Julien Duvivier qui vont sortir ce mois-ci avec, pour commencer, dès aujourd'hui, La Belle Équipe. De quoi ça parle ? Alors La Belle Équipe, c'est l'histoire de cinq copains, cinq ouvriers qui gagnent à la loterie et qui, plutôt que de partager la somme d'argent qu'ils ont obtenue, décident de la mettre en commun pour racheter une guinguette. Donc c'est un film qui est écrit par Charles Pack, qui utilise certains thèmes qui sont en vogue à ce moment-là, à l'époque du Front Populaire. Il y a l'aspiration au loisir, par exemple, l'aspiration à la propriété aussi. Bon, Pour autant, je pense qu'on peut pas dire réellement que c'est un film du Front populaire, parce que c'est pas un film qui illustre réellement les ambitions du Front populaire. On voit les espoirs d'ouvriers, mais le film illustre en quelque sorte l'impossibilité à ce que ces espoirs aboutissent. Ouais, c'est plutôt un film sur les désillusions de ces histoires d'amis. La fin du jour, qui sortira donc la semaine prochaine. Alors, La fin du jour, c'est un film autour de quelques vieux comédiens, comédiens ratés pour la plupart, qui se retrouvent dans une maison de retraite qui était inspirée de la maison de retraite de Pont aux Dames, qui existe toujours et qui avait été créée pour les anciens comédiens. Et donc, ça analyse les rapports dans cette communauté qui est un peu refermée sur elle-même. Ça montre à la fois avec une certaine cruauté et une certaine tendresse la vieillesse de ces gens qui n'ont plus le public face à eux finalement. Et enfin, voici Le Temps des Assassins. Alors là, c'est une histoire assez noire et monstrueuse d'un personnage qui est joué par Jean Gabin, d'un restaurateur qui se laisse prendre par une jeune fille qui est jouée par Danielle Delorme. Il se laisse séduire par elle, et c'est un personnage, elle, qui est assez pervers et qui veut le pire pour lui, finalement. Et Gérard Blin, dans ce film, il joue le rôle? Alors, Gérard Blin, c'est un jeune étudiant que Jean Gabin a pris sous son aile, et qui lui aussi va être victime des machinations féminines, puisque finalement, c'est un film où on a un homme mûr et un jeune homme qui sont face à plusieurs femmes qui vont détruire leur vie, finalement. Et on passe au questionnaire de l'autre jour. Je vous laisse découvrir les trois questions autour de la filmographie de Julien Duvivier. Je vous rassure tout de suite, Éric Bonnefille. Première question. Alors, quels sont d'après vous les héritiers de Julien Duvivier? Alors, ponctuellement, sur certains films, certains cinéastes peuvent rappeler Julien Duvivier. J'ai souvenir, par exemple, d'avoir pensé à Duvivier en voyant La ville est tranquille de Robert Guédiguian, qui est quelqu'un qui aime beaucoup Duvivier, d'ailleurs. Et dans ce film-là, il y a une vision assez noire, assez pessimiste, qui pouvait rappeler un peu Duvivier. On sait que Patrice Leconte aussi aime beaucoup Duvivier. Il a tourné Monsieur Hir, qui était un remake de Panique. Pour autant, je ne crois pas qu'on puisse dire que son cinéma fasse penser forcément à Duvivier. Deuxième question. Alors, le plus beau film de Julien Duvivier, c'est toujours difficile de choisir un titre en particulier. Je pense qu'on peut mettre en avant Pépé le Moko, qui est un film mythique... où il y a à la fois une mise en scène assez extraordinaire, les dialogues de Janson, l'interprétation de Gabin, qui est quand même au sommet de son mythe. Bon, on peut citer quand même quelques autres films, comme Poil de carotte, qui était un de ses thèmes favoris. Il l'a fait en deux versions, muette et parlante, où c'est vraiment un des grands moments de sa carrière. Après-guerre, il y a Panique aussi, qui est un film qu'aujourd'hui on revoit en étant toujours très étonné par la force de ce film. Troisième et dernière question. Alors, une réplique culte que l'on retiendrait d'un film de Julien Duvivier. Alors, on pourrait citer, par exemple, la réplique finale de La Belle Équipe, dans la fin originale qui est montrée dans la version qui est reprise, où Jean Gabin dit « c'était pourtant une belle idée ». Alors, ça traduit le fait que les espoirs qu'ils avaient mis dans la guinguette sont déçus, sont anéantis. Et je pense que ça symbolise assez pas mal de films de Duvivier où finalement la fin est toujours décevante, les rapports sont décevants. Ouais, la désillusion. Voilà. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Éric Bonnefille. Merci. Je vous laisse faire le générique de fin. C'est une autre tradition de la maison. Allez, c'est à vous. Alors, c'était Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, préparée par Pascaline Bonnet et Anaïs Isbert. Réalisé par Thomas Duterre, avec Manu Couturier à la technique. Un autre jour est possible, c'est tous les jours à 6h du matin à la radio, ou quand vous voulez, en passant par le podcast, disponible sur franceculture.fr.